qui avait piqué Nico à Alain Delon. Oui, il me l'a tellement raconté que je me demande si... Surtout qu'elle était bien, Nico, jeune. Belle merde, ce vélo. Ah oui, comme Saussure. Tout le monde, quand... Il s'est...